radio. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac radio sud.net. 101.8. Yeah, il est 22h05. Tu sais que le micro est ouvert. Bonjour, il est 22h05, vous êtes bien sur Radio Sud. On est bien dans le sud de Besançon, sur 101.8, radiosud.net. C'est bien la 25e, on est là comme tous les jeudis. Et ce soir, c'est l'émission spéciale Purist. Ouais, ouais, ouais. Désolé les gars, j'ai pas pu faire de jingle spécial, tout ça. Voilà. Donc je me connais, mec. Je me permets de mettre DJ Masta en fond pendant cette émission, comme je le fais assez souvent. Voilà. Jounès va arriver, hein, vous inquiétez pas. Vous connaissez la bête. Toujours en retard. Toujours en retard. Alors, comment ça va, les mecs ? Ça va super. Ça va super ? Ça va super fort. Donc, autour de la table, j'ai S2E, Lio, Rizzo, M. Il y a aussi Wasta. M. Qui est là. Bah, c'est M, quoi, maintenant, non ? C'est ça, hein. C'est ça, H-E-M. Il y a Hector qui est là, derrière la caméra. Il y a Sam, il y a Théo2S. Est-ce que j'annonce Il y a un grand monsieur de la radio. Avec nous ce soir, il y a quand même le fils du fondateur de la radio. Donc gros big up. Et puis gros big up à toute la famille en même temps. Donc spécial Puriste ce soir, on est là de 22h à minuit. On a recommencé la semaine dernière, tout doux. Voilà, on a repris un petit peu les émissions. Puriste, par où commencer? Est-ce que j'entame directement l'émission? Est-ce que vous voulez nous dire un petit truc avant de commencer? Parce qu'après ça va partir à fond. Ouais, les gars. Lio, il voulait dire un petit truc. Ouais, vas-y Lio, envoie. Ça met les bougs en galère direct. Non. Oh bah écoute, merci pour l'invite mon gars. Normal. Voilà, nous on est là, on est prêts, on est chaud. Vous êtes chaud patate. Donc je vais On est plus fort pour les freestyles que les interviews. Ouais, au calme. Ça tombe bien, j'ai prévu à peu près 1h45 d'interview. Ouais, bah c'est bon ça. 5 minutes de son. Et 10 puis, minutes de post-clop. 10 minutes de post-clop. Et puis s'il reste une minute ou deux, on pourra freestyler. Vas-y. Acapella, bon on freestyle acapella. Voilà, parfait. Peut-être. Ouais, Jounès fait... Rizzo fait du beatbox. Avec Jounès. J'ai emmené de la fuite là au traversière. Parfait. Donc les puristes, c'est assez simple. Pour ceux qui veulent retrouver l'équipe sur Instagram, alors vous me dites si je me trompe hein, sur les réseaux, les conneries comme ouais, ça. T'inquiète, on te dira dès que tu te trompes. Instagram, c'est Purist Music. Parce qu'il faut savoir que les mecs viennent de New York quand même. Donc Purist, P-U-R-E-A-S-T, musique M-U-S-I-C. YouTube, Purist, tout simple, P-U-R-E-A-S-T, qui compte déjà 3 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. C'est vrai. Salut tous les abonnés. Qui regroupe des clips depuis 2011 à aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et qui a franchi depuis très peu de temps The Million. Ouais. Tu vas nous ramener un disque d'or et tout comme. attendez les gars, attendez, l'émission n'est pas finie. Jounès, il arrive là. Voilà, donc Purist, P-U-R-E-A-S-T sur YouTube, allez vous abonner. Snapchat, il n'y a pas de Snapchat. Non. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà Facebook, Insta. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Donc sur Facebook, pareil, Purist, P-U-R-E-A-S-T. Il faut surtout s'abonner au YouTube. Après, sur Facebook, c'est bien aussi pour avoir les infos. Et sur Insta, on donne un petit peu de nouvelles de temps en temps aussi. Si. Donc pareil, hein, sur Facebook, n'hésitez pas à suivre. Instagram, n'hésitez pas à suivre. L'album est sorti, Virus, on va parler de ça tranquillement. Plateforme. On va parler de ça tranquillement après. Plateforme, streaming, tout ça. Bon, déjà, dans l'émission, on l'a déjà streamé pas mal de fois. Donc, on connaît déjà bien, mais pour tous les auditeurs qui n'ont pas encore checké ça, vous pouvez retrouver ça sur Spotify, Deezer, Napster, je crois. Apple Music. Sur toutes les plateformes, ouais, un peu. Surtout, hein. Ouais. Yes. Ok. Moi, ce que je vous propose, avant d'entamer un peu l'historique puriste, ouais, c'est de diffuser un son. Vas-y. Qu'il y a sur votre chaîne.

Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, l'émission spéciale Puriste ce soir dans la maison, la 25ème. On est toujours là de 22h à minuit sur 101.8 Radio Sud.net. Et pendant ce gros son QMPC, le dernier artiste de la soirée est arrivé. Il se nomme Jounès. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Ok, donc vous avez la traduction de ce titre, de ce fameux titre. Ouais, c'est moi qui ai posé le truc. Ok, ok. Donc ce soir, on est en partage de micros. Hein. 3 micros pour 29. Mais ça passe. Je fais des 1-2 avec H2, moi. Aïe. Donc les puristes, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, moi il y avait plusieurs questions que je voulais vous poser et puis aussi surtout pour les auditeurs. Les puristes, ça existe depuis quand officiellement? On est en 2020. Moi, je sais pas comme ça, je peux pas te donner de date. À peu près, si tu me donnes une année, on va dire. Je sais pas, je dirais presque. Maintenant, on est pas loin des 10 ans presque, je pense. Ouais. Je pense que ça fait 8-9 ans, facile. 8 ans? Ouais, je dirais, vas-y, yes. Ouais, 8 ans. Ok. Il y a qui dans Puriste, voilà. Exactement? Qui fait partie des puristes? Alors l'équipe au sens large, on est trop nombreux pour citer tout le monde. Après, vraiment au niveau du groupe, du son, les gens que tu as cités tout à l'heure, c'est-à-dire S2, Rizzo, HEM et moi-même Lio. Et puis après, il y a Masta qui est DJ, qui n'est pas là ce soir. Yes. Et il y a Wasta qui fait les instrus, qui a fait 90% des instrus de l'album. Ouais, qui a produit quasiment tout l'album. Voilà. Yes. Et du coup, voilà, on est une équipe de 6 là. Voilà, après, l'équipe au sens large, énormément de monde. Ok. Et ça s'est fait comment en fait, Puriste? Vous êtes arrivé comme ça? Crac, vous avez dit on fait un combo, c'est quoi? Non, à la base en fait, on avait monté le truc Puriste. Au départ, c'était on voulait juste faire des concerts. Ouais. Donc en gros, c'était au départ, on a commencé comme ça, c'était avec Laco, tu vois. Mm-hmm. Laco qui est maintenant, lui, il est plus sur Bezac, mais en fait le truc, petit à petit, ça a été des concerts qu'on faisait tous ensemble. On était tous chacun de nos côtés à faire des projets. Voilà, c'était plus un collectif qu'un groupe. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais sur scène, on se regroupait et on faisait les scènes ensemble, tu vois. Ok. Donc voilà, Puriste, c'était surtout ça. Après, on avait quand même des morceaux. On en faisait de temps en temps. Mais il y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment un groupe, tu vois. C'était vraiment, là, on était dans le délire collectif, tu vois. Ok. Et puis, on a tardé quand même, tu vois, parce que, comme a dit Lio, ça fait à peu près 10 ans que, tu vois, qu'il se passe des choses. Et puis, on s'est lancé dans un album, voilà, maintenant, on s'est lancé. Il y a un an, quoi. Ouais, voilà, environ, tu vois. Yes. Donc, on s'est réveillé, tu vois. On s'est dit, tiens, c'est pas mal qu'on fait des morceaux ensemble. Pardon. Ouais, pardon. Tu veux dire. Donc, en 9 ans, là, c'est le premier projet. Ouais, c'est le premier projet puriste, avec c'est tout ça. Le monde de puriste, tu vois, construit comme un album de groupe. Voilà, mais, c'est ça. Mais depuis le temps, il y a eu pas mal de projets. Ouais, avec le blason de chaque artiste, quoi. Tu vois. Vraiment, ouais. Ouais. Ok. Si. Donc c'est pas la peine de parler, c'est pour dire des conneries. Tu vois. Non, mais c'est vrai que. Non, mais techniquement, en 9 ans, c'est le premier projet. C'est commun. Le premier projet puriste. Ouais. Ouais. La question, elle est quand même. C'est pas de l'eau, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, ouais, bien sûr. Non, mais voilà, en fait, au final, voilà, c'est qu'on a pris. C'est la première fois, effectivement, qu'on fait un projet ensemble. Parce que pour la première fois, on prend le truc vraiment en tant que groupe. Et nous, en tant que collectif, où chacun fait ses projets solo et tout le monde se soutient sur scène, là, du coup, voilà, on est parti vraiment sur un esprit de groupe, quoi. C'est quoi ton projet solo à toi? Ouais, moi, je suis le seul qui n'a pas fait de projet solo. Ah. Voilà, moi, tu me trouves que sur YouTube, sur quelques sons solo, si tu as de la chance. On est là. Moi, j'ai juste une question à vous poser, techniquement. Pourquoi il n'y a pas une photo? C'est très technique, toi. Il est que dans la technique. Il n'y a pas de photo, hein, où vous êtes tous ensemble? Sauf une seule, dans une piscine. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est là où on a enregistré l'album. On l'a enregistré dans la piscine, justement, cet album. Ah. Mais ouais, non, on n'est pas très photo, on passe pas. C'est vrai qu'on pense pas spécialement à se prendre en photo régulièrement. Ouais, on n'est pas les meilleurs pour. C'est pour nous vendre, faire de la promo, tout ça. C'est voilà. ça que tu veux dire. Voilà, tu l'as dit, on n'est pas les meilleurs. Il y a quelques photos, quelques photos sur scène, tu vois, c'est là que c'est important. Voilà, il y a ça. Il y a même des vidéos sur scène. Tu nous vois tous. Voilà. Voilà. C'est encore mieux, bon, c'est comme des photos très... mais qui bougent. C'est pas une question très intéressante, tu peux passer à celle d'après. Ah mais si jamais, Jounès est là jusqu'à minuit les gars, donc ouais, préparez-vous ouais, non, à... D'ailleurs on va lui repasser le micro pour la... Après il y a After, après il y a After. Là-bas au centre-ville. Donc ouais, moi en regardant un peu, du coup je rebondis sur ce que vous dites, en regardant un peu la chaîne YouTube, donc depuis 2011, c'est vrai qu'on voit un peu de tout le monde et au fur et à mesure on voit Puriste. Donc si j'ai bien compris, avant Puriste, il y a eu la Milice, il y avait un peu de S2E, il y a eu un projet Arizo, il y a eu un projet... Deux Arizo ? Deux Jérémy. Deux de Jérémy, de M, ouais. Pardon. Ouais, il y a en fait... comment ça se fait que ça a mis autant de temps avant d'arriver en, on va dire, en équipe Puriste ? Et en plus, là, j'ai vu, ils sont millionnaires apparemment. Ouais. Millionnaires ! On en a fait, parlé, ça, si t'es on en a parlé, mais... t'étais pas là encore. j'ai pas la même... Ouais, ça a mis longtemps parce qu'on est un peu cons, c'est tout. Ouais. Quoi. Tu vois ? Il y a un moment, l'énergie, elle était là, on avait envie, puis on s'est lancé. Après, tu vois, tu sais ce que c'est de faire un album, c'est long, c'est pas facile. Mm-hmm. Ouais, puis on est une bande de potes avant tout, en fait, si tu veux. Tu vois, là, c'est la musique qui nous a réunis. Yes. Mais en fait, même demain, il n'y aurait plus de musique, on continuerait, on aurait toujours la même connexion. Mm-hmm. Tu vois, et c'est vrai que là, on s'est dit, quand même, après un laps de temps, on a chacun notre truc, autant faire un vrai truc carré. Et du coup, en fait, on faisait trop la fête quand on se voyait, et puis on pensait pas à faire du son spécialement. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, ça et va, ça coup... va pas trop changé, ça encore. Ouais, mais maintenant, au moins, on fait du son ensemble. Ouais, c'est voilà. Bon, on a fait beaucoup de scènes aussi. Pendant une période, on a fait beaucoup de scènes. Vrai, et le moment où on a calmé un peu les scènes, c'est ce moment-là où on a fait l'album un peu. C'est enfermé un peu. Ok. Bah, justement, moi, j'avais un petit message à vous faire passer, parce que c'est vrai que. Sur Besançon, vous êtes quand même une référence rap. Il n'y a pas à chier. Vous êtes la référence de Besançon. Et en fait, j'ai un mec qui voulait absolument être là ce soir, qui peut pas être avec nous. C'est le frère de Gras. Le grand frère de Gras, Max Bouquet. Ouais, ça aurait fait il voulait être fort là. Bon, en tout cas, si tu nous écoutes, Max, ça aurait fait plaisir de te voir. Je vous fais passer un petit message qu'il m'a envoyé. Donc, je pense qu'il nous écoute. Il dit grosse pensée pour Gras. Remercie toute l'équipe pour tout ce que vous avez fait. Continuez à nous balancer du lourd. Puri, Chao, Théo2S, ça assure. Puis si des fois vous cherchez un grand machin pour faire le figurant dans un clip, je suis là. Vas-y. Eh ben vas-y, on passera à toi, mon frère. Ouais, grand plaisir. Merci beaucoup. Et bienvenue. Voilà. On parlait des événements, des concerts. Bon, j'ai cru comprendre que vous avez déjà organisé des événements sur Bezac. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Voilà, là, tu nous demandes de balancer des exclus. C'est ça, en fait. Non, sur ceux qui sont déjà passés. Ceux qu'on a déjà fait. D'accord, ok, donc on en parlera après. On en parlera après. Mais ouais, on a déjà organisé deux événements, donc qui étaient à la Rodia. Yes. Et qui sont très bien passés. Les deux étaient complets. Et voilà, nous, on aime bien faire des plateaux avec plusieurs groupes. Voilà, au moins on peut faire venir un petit peu des poteaux de partout, ça permet de se retrouver. Et voilà, après voilà, il y avait beaucoup de monde pareil, on va peut-être pas citer non plus tous les groupes qui étaient là, mais en tout cas gros big up à eux, ils savent qu'ils étaient là. Yes. L'essentiel est là. Jounès, quelque chose à rajouter ou Jounès, une vanne? Petit truc à rajouter? Non, ça va. Génial. Merci Jounès. Petite question à part là, avant de rebalancer, je voulais balancer le son éponyme Virus juste après. Pour vous, c'est quoi un puriste ? Mais un puriste. Au sens chiant ou au sens de nous ? Un puriste P-U-R-I-S-T-E. Pour vous, c'est quoi ? Si vous aviez une définition. Un mec qui aime bien la bonne musique, peu importe le support musical, mais que ça soit bon et que ça soit kické proprement. Ok, voilà. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est vous. Ouais. Et un puriste P-U-R-E-A-S-T, c'est quoi ? Bah ça, c'est nous. C'est ça, c'est vous aussi. C'est un mec de chez nous. C'est juste, on l'a mis en mode New York, quoi. Je vois, tu veux nous amener, tu vois, ce débat de puriste, machin, mais si tu veux, nous on s'est pas appelé... du tout. Si, un petit peu. on s'est appelé puriste, tu vois, à la base, on est là, on fait une asso pour faire des concerts, on trouve un jeu de mots. Ouais, ok. Ouais, à la base, on est parti comme ça, tu vois. Tu connais les places. Ouais, c'est ça. Je m'appelle S2E, tu vois ce que je veux dire. Dédicace à Schneo. Ouais, Schneo, ouais. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est ça se fait comme ça. Et puis voilà, après, du coup, on est obligé un petit peu d'assumer ce côté puriste. Mais si tu regardes notre musique, il n'y a pas vraiment de on barrière pas. Quoi, ouais, de pas, puriste. De... Mais oui et non. Parce que ouais, en fait, ouais, on s'en bat un peu les couilles, on fait un peu ce qu'on a envie. Tu vois, ouais. On n'est pas dans le purisme. On s'est pas accroché au boom bap ou pour moi ça veut rien dire, il y a pas de un jour on fait ça, un jour on fait ça, et puis ça veut pas forcément dire que t'es accroché au boom bap plus que ça. Plus que c'est un peu ça l'essentiel, c'est que ça kick, peu importe la prod, peu importe, voilà, l'essentiel c'est que ça kick. Et puis quand il y a un micro qui est ouvert, les gens ils parlent pas mille ans et puis voilà, on va pas parler chinois. Exactement. OK, bah écoutez, moi je vous propose de diffuser le son Virus. Du coup, ouais, attends, il y a Krim qui est à l'écoute, tu vois. Ouais. Dédicace à mon gars Krim, tu vois. Ah, Krim, on se dédicace à Krim. Krim, ouais, le zinc. Ça dit quoi le zinc? Couleur cappuccino. Tu vois ce que je veux dire? Krim, c'est lui. Le 2-5, c'est lui. Vas-y, balance. Mon gars. Donc là, je balance Puriste, Virus. Donc pour ceux qui veulent aller choper ça, c'est disponible depuis le 20 décembre. C'est l'album 17 titres, 15 titres. 15 titres. 15 titres, pardon. Ouais. C'est vrai que j'en ai écouté déjà, deux de plus, mais ceux-là, je ne vous les donnerai pas. Voilà. Un 15 titres, voilà, c'est lourd, c'est peaufiné. En plus, il y a un petit gamin là, sur la pochette. Il est lourd aussi. Ça fait plaisir. Tout le monde a taffé dans le même sens. Exactement, en famille. Donc, je vous balance ça et puis on continue tranquillement les questions. Ok, mon gars. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Rapper, c'est facile, je te montre. Crois pas que ça facile le monde. Du temps, j'y ai passé. Passion égarée. Passe à la caisse et en pompe. Quelques années qu'on ronfle, le réveil est brutal, sorti du plumard. Là t'as les mots, t'as chromé des mots, j'vois tout mettre des mots, ya. Rapper des heures et des années, frapper des prods et les laisser mortes. On empile les corps, tu vois le décor, basta désolé. Envoie ta scène, on la casse. J'vois que tout est gassé des gueules. Pas méchant à la base, vous envoie des cœurs. On a cassé des gueules, je suis venu passer mes nerfs et pas que. Tape la visque des pas que. Ma ville est maudite, plus rien nous motive, on la connaît par cœur. Dans nos logis. Y'a des rires et des pleurs, des crimes et des peurs, c'est chronologique. On n'a plus le temps ni l'heure. On s'invite dans ta fête, c'est pour discerner nos choses. Car mystère et glow qui s'invite devant la fenêtre. J'vois la misère et glow, j'mets trop de temps pour admettre. J'navigue à l'aveuglette, entre abysses et les halls. On m'a visé l'épaule, mon ami, c'est mes poches. J'ai trop vu glisser des rôles, donc j'applique des méthodes pas apprises à l'école. J'économiserai des forces. Sodomiser féroce, laisser s'autoniquer, sauter du tourniquet. C'est un parle précoce, pas de quoi polémiquer. On va coller des gauches, mon gars, pour ton ticket, sois pas timide, approche. J'ai pas fini ma broche, qu'on s'approche, déjà dure pas de midi. Moins 30 minutes, t'accroches. Tu manges une route, 4 ministres. Du rhum, coca, j'm'administre. Si on t'occupe, si je rentre trop tard, ça va se finir en pas de sinistre. En pas ton micro, trottoir. Dans glace, j'ai mis trop de vodka. J'ai pas de limite, fais pas le mili. Tant en cas de litige, t'angoisse comme mytho au chat. Va plus les portes, tu vas clignoter sans les strops. On te fait signe dans le télescope, sans frais d'escorte. Je stockera frais comme caméscope. Je n'escroque. Mets de l'ordre, hein. Ça, les camères mortes. J'garde mon corps, le game à faire cloque. C'est gamin de code, donc il me fuck. Ouais, j'la mets en lock. J'ramène l'op. Je pars à fils à gamin le propre. C'est là, il sac, j'ai la strop. Tout est là, stock en triple X5. A chaque training, j'finis le sac. J'envoie des cornes et panache. Hors des ganaches. Le rap, il remonte. Portez le calaf. Juste une calotte. Fini le travail propre. Dans le derge comme panaque. C'est pas trop les couilles, on investit le certain. Nique les chevaliers Jedi. Saoulé, bourré, boire et voudre l'or. Les médailles, ma télé moi en train de se tuer, mais avant tout à l'instant mon skate. Même si depuis j'ai du mal à gérer le fait de plus laisser parler mon cœur. Vous pétez pas trop les phalanges dans des murs, mettez ça dans la gueule d'Arastos. Les soucis vont maigrir pire que les cures, les passos pire qu'un anneau. Puis plus un d'autres, tes rêves de grandeur, tes soucis d'ado. Mon reflet c'est un Niki, comme Marguerite Larose. Que des gosses en prévision, pressons comme elles disent avec des flûtes. Avant de vouloir faire le bon bouffon, mets-toi bien avec tes burles. Des murs, ma classe, c'est que de la vie de passa. J'allume le bazar, pratique du racroix. J'm'abîme sur l'asphalte, sans fil du rasoir. C'est qui tout double. Quand on s'allume, salut, ma rue, salut. Bordel de merde, y'a des sales gosses derrière ta vie. Je le dis en douce, mais qui comme Calu. Toujours dans la pluie, insalubre comme le double. Puris, viris, on distribue la rime, c'est dur. Pratique, c'est mis. Sous-test, c'est triste, à qui le détruire. ma trône c'est l'accord de visite. Si si ma trône c'est l'accord de visite. Rocher de narval suivi par le vigile. Virus, virus, on distribue plus les rimes c'est dur. Patrick Simis, tout est citrus. À qui le dis-tu, j'attendrai plus. Tu coupes pas ce qu'ils disent. Si si ma trône c'est l'accord de visite. Si si ma trône c'est l'accord de visite. Si si ma trône c'est l'accord de visite. Rocher de narval suivi par le vigile. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, il est 22h31. C'est l'émission spéciale puriste ce soir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez suivre toute l'équipe sur Instagram. Puriste Musique, PUREASTMUSIC. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Puriste, le Facebook Puriste. Donc félicitations à l'équipe, hein, ils ont totalisé là depuis peu 1 million de vues sur la chaîne YouTube. Et le projet Virus, l'album Virus est sorti, un 15 titres, c'est disponible partout en streaming. Il est disponible depuis le 20 décembre 2019. Donc les gars reviennent petit à petit au studio, moi j'en profite en même temps pour vous annoncer 2-3 autres dates, et notamment la dernière date du mois de janvier, le dernier jeudi du mois de janvier, nous organiserons au sein de la 25e une émission spéciale 2 heures d'open mic. Donc 2 heures d'open mic le dernier jeudi, attendez, je vais vous dire exactement la date. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, ce sera le jeudi 30 janvier. 2 heures d'open mic, donc pour ceux qui veulent venir kicker, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, émission la 25e. On a un mail aussi, assola25e@gmail.com. Et puis sinon, vous venez directement le jeudi et puis on fait ça normal comme à la maison. Donc ce soir, l'émission spéciale Puriste, donc l'album est sorti, Virus. Bah, première question sur l'album, pourquoi Virus? Pourquoi Virus? Jérémy qui avait envie de le dire, alors vas-y, enfin non, c'est H-E-M, pardon. M, bah on dit M ou on dit M-Atome? Ouais, là on en est, dit Jérémy, hein, pour de vrai. Ah, parce que hein, si tu... Non, mais t'as vu, on a ambiance à la maison et tout, tu vois. Je suis pas en promo, tu vois. Ah, vas-y, pourquoi Virus? Pourquoi Virus? Parce que le virus est amené à se propager fort. Mm-hmm. Exactement, ça se répand. Et je crois qu'on pouvait pas faire. Je crois qu'on pouvait pas faire plus clair comme titre. Yes. Ouais, c'est ça, ça traduit un désir de notre part de s'infiltrer un peu partout, de contaminer. Tu sais que c'est la première fois que je vois Lio aussi sérieux dans l'émission. Il est là tous les jeudis, le mec, il a un pass VIP, tous les jeudis. Mais là, mon gars, frère, on rigole pas. C'est la promo. Tu mets un costard, tu me parles comme ça, je signe direct, mon gars. Et d'ailleurs, la pochette. Attends, on n'a pas fini. Ah, pardon, excusez-nous. Bah ouais. Non, mais il y a aussi l'idée de... Tu vois, un virus, c'est un peu... Tu l'attrapes un peu contre ta volonté, même totalement, tu vois. Ça veut dire... C'est ça aussi un peu l'idée. C'est que, vas-y, tu vois, on n'est pas forcément invité. De toute façon, tu connais. Hein. Toi-même, tu sais, on est de Besançon. C'est pas forcément... On n'a pas l'exposition des gens de la capitale ou, tu vois, des grandes villes. Bon, bref, même s'il y a Internet aujourd'hui, hein, c'est pas non plus une excuse, je dis pas, mais voilà, tu vois, là, il y a ça, virus, ça traduit le désir déjà de, comme je disais tout à l'heure, de contaminer, de se propager à fond. Et ça amène aussi derrière l'idée de, voilà, les gens, ils ont pas choisi, frère. Ils sont là et ils attrapent le virus et c'est comme ça. Voilà, en gros, c'était ça un peu l'idée. Tu vois, on est coincé dans notre labo, on t'a concocté un petit virus. Ouais. On balance, ouais. Quoi. Ok. On connaît 2-3 chimistes au cas où. Ok. Bah d'ailleurs, big up Wasta, hein, parce que franchement... Les big up les chimistes, gros. non, big up Wasta pour presque la totalité des prods. Exactement. Wasta est un chimiste, hein, d'ailleurs. Wasta fait partie de nos chimistes. Wasta est le chimiste en chef. Lourd, mon gars. Il gère toute une... toute une flopée de chimistes. C'est lui qui a la meilleure blouse. Ouais. Et tient un sombre laboratoire. Ouais, elle est pas toute blanche, hein, la blouse. Et dans les petits chimistes que Wasta dirige, cette équipe, eh ben, il y a mon petit ref aussi, il y a mon petit frère. Donc, si, qui a fait une prod aussi, Mais oui. Ouais, bien sûr. Égaré. Okay. Égaré, ouais. Exactement. Okay, lourd. Égaré, c'est mon petit frère à la prod. Donc, gros big up à mon petit frère. Voilà. Et du coup, la parole à Wasta, du coup. Parce que ouais, Wasta. Chimiste en chef, quand même. Wasta, chimiste en chef. Ouais. Bien, ouais. Tranquille. Ah, si, tu vois. Tu fais. Ouais, bah, tu sais quoi ? Tu fais des prods depuis combien de temps, Wasta ? Ça fait à peu près 8, 9, 10 ans, je sais pas trop. Ouais. Comme ça. Mais ça fait combien de temps que tu fais des prods mieux que les gens? je réponds pour lui. Je sais comment le mettre mal à l'aise. Je sais comment le mettre mal à l'aise. Non, il y a des mecs qui tuent vraiment partout. Et moi, je prends des claques souvent. Non, il y a du gros niveau. Si, si. Mais en tout cas, tu réponds bien. En tout cas, ça fait plaisir de parler de toi. Non, parlons de moi. Ouais. Bah, du coup, comment la connexion s'est faite? Est-ce que vous connaissez en dehors du son? Est-ce qu'il y a tout ça? À la base, je crois qu'en premier, c'est avec Hématome, je crois. Hein, je suis M. Ouais. Je connaissais Masta, en fait, à la base, avant. Par un pote en commun qu'on a, c'est Shaman, un graffeur de Bezac. Yes. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Je crois que Jérémy, il m'avait demandé une prod. Hématome, ouais. Ouais, pardon. Par contre, balance pas comme ça les gens à la radio. et puis pardon, ton gars sera pas heureux, tu vois. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait un album. Hein. Ok. Les gars, ils sont venus chez Masta, ils ont dit, ah ouais, c'est cool et tout. Et puis au final, on a fait des morceaux, quoi. Ouais, après, lui, il dit ça comme ça, il le dit rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, ça répond aussi à la question que tu posais tout à l'heure, à savoir pourquoi un projet maintenant et pas avant. Ben, moi, j'ai envie de te dire parce que Wasta, tu vois, on a rencontré ce mec, il nous a sorti des prods. Les gens qui nous écoutent depuis un moment, ils ont vu qu'on a pris un virage. C'est pas exactement les mêmes prods qu'on kickait avant. Et au final, ça a amené une énergie, au final, ça nous a, voilà, c'est ça, second souffle. Ça nous a donné. Moi, ça faisait personnellement, moi, Lio, ça faisait 3 ans et demi que j'avais pas écrit, je crois. Avant cet album. Ouais. J'avais pas arrêté, entre guillemets, officiellement, mais voilà, j'écrivais plus, quoi. C'était pas loin. Et du coup, le fait de rencontrer Wasta, d'entendre des prods un peu d'un nouveau délire, et puis voilà, il y avait H&M qui avait déjà kické un peu 2-3 trucs, qui s'était lancé un peu sur les trucs. Du coup, voilà, c'était bien, ça donnait un nouveau souffle, et puis ça nous a tous donné envie, en fait, de poser sur les trucs. Il y a 2-3 morceaux H&M, il était obligé d'enlever des couplets qu'il avait déjà posés. Et puis vas-y, on lui a dit, vas-y cousin, enlève des couplets, fais-nous de la place, tu vois, viens nous aussi, on pose, en fait, viens, 2-3 sons. Puis au final, à partir du moment où t'as 3-4 sons, vas-y, hein, frère, viens, on fait un projet. Hein. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Lourd. Mais du coup, tout ça, c'est quand même en partie grâce à Wasta et au second souffle qu'il a amené. Voilà, moi je trouve que ses prods, elles les démontent. Et puis voilà, celle qui nous fera dans le futur, il le montrera encore plus. Et voilà, en tout cas, super grosse rencontre et ça fait plaisir. Voilà, ça s'est fait naturellement, ça tue. Et big up à Max aussi, je sais pas s'il nous écoute, mais gros big up à Max. Yes. Mais justement, du coup, je vais vous poser la fameuse question qu'on a dû vous poser 300 000 fois. Je connais un peu déjà la réponse, mais je vous la pose et je la pose au nom de tous les auditeurs. Puriste sur de la trappe. Mais comment ça se fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, ben c'est exactement ce que je t'ai dit dans la question d'avant, frère. Wasta. La seule réponse que je peux te donner, c'est Wasta, frère. Quand même, le truc aussi, c'est que on écoute aussi beaucoup de trap, donc on kiffe ça, donc voilà, donc c'est un peu normal aussi de faire ce qu'on aime. Puis il y avait l'impression, en tout cas, je parle au nom de ceux qui écrivent, des rappeurs du groupe, il y avait le truc que... Ah, je vais pas faire l'ancien, pas dire on a prouvé, mais voilà, tu vois, on a fait nos trucs déjà dans le boom bap, on en a fait plus d'un, et on avait l'impression de tourner en rond un peu. Bon, je pense que c'est pour ça que j'écrivais plus aussi. Ça... Voilà, j'avais plus l'inspiration d'avant. Ouais, t'avais plus la même gouache que. C'est ça, tu vois, tu connais, nos vies elles évoluent, on grandit, on vieillit. Vas-y, frère, tu vois. Il y a un moment, soit tu stagnes dans ton truc, et puis. Voilà, hein. Pareil, après, s'il y a des gens au bout de 15 ans, 20 ans, ils continuent encore à faire du boom bap et qu'ils prennent toujours autant plaisir. Ah bah tant mieux frère, moi je les big up de ouf, mais moi, voilà, c'était plus mon truc et je pense que c'était un peu collectif. Je parle un peu au nom du groupe, j'ai l'impression que... Après il y a Rizzo. Des petites touches de modernité sur des morceaux. Rizzo aussi, toujours. Hein, Rizzo, il est, voilà, le boom bap et tout, il est toujours là-dedans de ouf. D'ailleurs, frérot, si tu veux venir en toucher un mot, mais voilà, Rizzo, bah, voilà, c'est le plus ancien du groupe, celui qui a kické du boom bap le plus longtemps. Le virage, il a été dur à prendre pour lui au début, même, tu vois, mais au final, ça s'est fait. Et même lui, il a trouvé plaisir, il a pris plaisir à le faire, je crois, tu vois. Après, je vais le laisser parler, mais je crois qu'il est, voilà. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu nous demandais par rapport à la définition de puriste avec ISTE, tu vois, le bail, c'est vraiment de peu importe le support musical, le principal, c'est de kicker dessus. À partir du moment que tu te fais plaisir à kicker sur le truc, eh ben, tu te retrouves. Et moi, c'est vrai que après, j'ai plus galéré par rapport à l'album au niveau des textes parce que j'ai dû plus travailler. J'étais habitué au boom bap, tu vois. Mais au final, ouais, je suis content quand même que, après tout ce temps, j'ai su me renouveler quelque part quand même sur les nouveaux supports qui se font aujourd'hui. Et ouais, au final, j'ai kiffé. Voilà. Après, nous, tu vois, on est puristes quand même dans le sens où on aime que ça kick. C'est ça que tu trouves. C'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas vraiment voilà, de la trappe. Parce que la trappe, ça veut tout dire et rien dire en vrai, tu vois. Parce que à la base, la trappe, c'est quand même beaucoup de la gimmick. Ton texte, il tient sur trois lignes, tu vois. Enfin, à la base, c'est quand même, kick. Il y a vraiment du texte. Donc, est-ce que tu peux appeler ça de la trappe ou quoi? Après, c'est parce que les instrus, elles sont plus actuelles. C'est le BPM est ralenti. Tu vois, c'est le délire. Big up à Moha qui vient d'arriver. Gros big up à Moha. Mais ouais, ce débat trappe, pas trappe, je sais pas, pour moi ça veut pas. C'est juste que voilà, les instrus sont plus actuels et Ouais, c'est les sonorités qui sont plus actuelles. Parce que ça rappe. Tu sens qu'il y a quand même l'école. Après voilà. Nous on est toujours aussi allés sur le boom bap, tu vois, il n'y a pas de galère. Hein, si jamais tu nous mets des prods cadeaux qu'on connaît pas, des prods surprises tout à l'heure, n'hésite pas à glisser un boom bap. S'il reste deux minutes, peut-être qu'on fera le fusillera comme il se doit. Je n'en hein, doute pas. Vu comment on est parti, je ne sais pas si. Non, mais justement, par exemple, je pense que vous avez des auditeurs purs et durs qui vous suivent depuis très longtemps, que ce soit en solo ou, voilà, ou en équipe. Quel retour ils vous font est-ce que ça a été un peu, entre guillemets, comme Rizzo, un peu un choc. J'étais étonné de ouf. Moi, pareil. Hein. Ouais. En vérité, non, je sais pas. À mon avis, c'est parce qu'ils voient même si ça a évolué, ils reconnaissent que c'est toujours quand même le même travail d'écriture. L'identité, elle est là encore. Ouais, ceux qui m'écoutaient, donc vraiment les mecs qui écoutent Boom Bap, tu vois, qui sont vraiment dedans tout ça, les retours que j'ai, c'est ouais, franchement, ça te va bien, c'est, tu sais, ça. Ça kick, c'est toujours fourni pareil, tu vois, mais sur du nouveau son. Mais après, ça vient aussi du fait qu'il ne faut pas sous-estimer les auditeurs, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils nous écoutaient on va dire dans un style que eux sont fermés, tu vois. C'est ça aussi, exact. Tu vois, l'idée de toujours se classer, se fermer, machin, ça vient aussi du fait que tu penses que les gens, tac, si toi tu chantes, ça va, mais si tu penses à ça, déjà, ta musique, tu vas te faire chier à la faire ta musique. Tu vois, fais ce que t'as envie, ça va plaire, ça va pas plaire, tu t'en branles en fait. Tant mieux si ça plaît, on est content, tu vois. Mais nous, on s'est vraiment éclaté à faire l'album. On a pris plaisir justement à voir que tous ensemble, on pouvait venir sur des nouvelles sonorités, nouvelles directions. Et ouais, avant tout, avant même les auditeurs ou quoi que ce soit, c'est vrai que nous, entre nous, on s'est fait plaisir à faire l'album. Si. Ben moi, ce que je peux vous dire de mon écoute de manière objective, moi la trappe ça m'a pas du tout surpris, pas du tout. Moi ce qui m'a surpris, la seule chose qui m'a surpris, c'est le chant, et l'autotune. Ça c'est S2. Ça. Ouais, et là vous m'avez vraiment pris à contre-pied. Tu vois, quand j'ai écouté et que j'ai entendu la sonorité, je dis. Ah ouais, ils ont poussé le truc jusqu'au bout, tu vois. C'est même pas. Moi, mais je pense c'est même pas poussé le. Je peux c'est te donner quelques indices quand même. Vas-y, dis. Mais moi, je pense c'est même pas poussé le truc jusqu'au bout. T'as vu, c'est normal. Dans les. Je sais pas, sur ce genre de prod et tout, t'es obligé aussi un peu de faire ces trucs-là. Parce que, tout simplement, parce que ça apporte. C'est pas une question de marcher ou pas marcher ou je sais pas quoi. C'est une question que ça apporte. Enfin, moi, je trouve personnellement que quand c'est bien fait, ça apporte de ouf, tu vois, un morceau. Et du coup, voilà, on est encore une fois, comme on dit depuis tout à l'heure, mais c'est la vérité, on a pris plaisir à le faire. On s'est découvert des délires, frère, à chanter en studio et tout. On n'avait jamais fait ça, tu vois. Exact. On n'est pas des chanteurs, frère, ça veut dire. C'est-à-dire que c'était bien. C'était cocasse, tu vois, on a bien rigolé. Et du coup. Moi, j'attends quand même Rizzo à l'autotune, mais. Ça arrive, ça arrive. Je te dis, c'est le plus compliqué à convertir. C'est le plus compliqué à convertir, donc. Mais ça arrive, ça arrive. Ah, okay. On n'a pas de doute. Peut-être, peut-être sur un prochain projet. T'as testé, Charo, toi, l'autotune, déjà? Moi? J'ai pas entendu. Si t'es. À moins fort, moi, autotune. Ah, fort. T'es sérieux? Ah, ce matin, mais moi, j'ai cru que c'était une vanne. Il est là, il est sérieux. Moi, avec ou sans autotune, je chante fort, moi, je suis un fort chanteur. T'as déjà écouté ce qu'il fait ou pas? Il chante depuis. Sur ton dernier, t'en fais? Ton dernier projet? Ouais, un peu. Ouais. Un peu? Ah, un non, mais peu, il, ouais, chante, il chante depuis, lui. Moi, mais pour revenir au fait, tu vois, que l'autotune t'as peut-être surpris. Je sais que déjà, même dans le premier album d'Hématome, il y avait des petites touches, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire ça date déjà un petit moment. Sur le morceau Incompris. Ouais, par exemple, tu vois. Et ça, c'était le tout premier album, ouais, qui était sur PNL. Ouais. C'était le premier, ça. Donc, puis après, voilà, après, nous, on a eu aussi, toi, tout un. Tiens, en fait, tu sais ce que c'est. Tu fais toujours plein de morceaux, tu les sors pas forcément. C'est-à-dire que peut-être il y a, en gros, une rupture entre ce qu'on a pu sortir avant et ce qu'on a sorti maintenant. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu, tu vois, tout un chemin, machin. Voilà, tous les morceaux sont pas forcément sortis, tu vois. Mais il y avait quand même des petites touches par-ci, par-là. Puis voilà, okay. comme je disais avant tout, c'est pour s'amuser, tu vois. Ça, en fait, c'est un outil en plus. C'est un outil en plus, tu t'amuses, tu rajoutes, ça te rajoute de la matière, des couleurs, tu t'amuses, quoi. Si. Ouais. Du coup, vous nous avez dit que vous êtes mis entre guillemets un an dans le truc pour sortir le projet. Où est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous avez un studio de prédilection? Est-ce que vous avez un mec qui vous mixe? Est-ce que dans le processus, je sais pas, est-ce que vous avez fait plusieurs studios différents? Est-ce que en fait, on a fait les maquettes, on a fait beaucoup de maquettes chez nous. On en a fait chez Masta, on en a fait chez moi pour faire les ébauches, quoi. Et puis après, et puis pour l'enregistrement, pour mettre au propre, on est allé à Auban chez Scary, des sales gosses. Yes. Voilà, gros big up à Scary, gros big up à tous les sales gosses. Ouais, grave. Voilà, le frérot Scary, il a ouvert un gros studio à Auban. C'est pris une semaine là-bas, voilà. On a loué une maison. D'où la photo tous ensemble dans la piscine. Vacances, on était bien. Puis la nuit, on allait chez Scary et puis on a enregistré l'album comme ça, quoi. Voilà, une semaine d'enregistrement intense tous les soirs. Lourd. 6h-5h. 20h, ouais. Ouais, c'est 20h-5h, 6h-5h, je sais plus. Ah ouais, c'est pareil, on ne savait plus. Mais franchement, c'est vrai, vous aviez maigri à une époque. Fort. Bah, pas moi. Mais depuis, on ne sait plus trop lire l'heure, tout ça. Ouais, tu m'étonnes. On a profité des fruits de mer de la région. Ah, tu m'étonnes. Énormément de gastronomie. Et voilà. Non, c'était pas okay. C'était un bon. C'est ça, tu vois. Puis je pense que c'est ça aussi qui donne un peu la couleur à l'album. C'est que vraiment. Ah, on a kiffé le faire. Vous étiez dans un c'était une semaine dans de vacances. Un bon mood, c'était une semaine de vacances. On a loué voilà, une bonne maison. On était tous à l'aise. On est descendu à 10, 11, 12, même un moment, je crois, dans la baraque. Et puis voilà, tu vois. Même si on est 4 en studio, enregistrés, 5 avec Wasta. Vas-y, frère. Il y avait toute l'équipe qui était là. Et on a tapé une semaine de fou. Tous les soirs, c'était studio. Du coup, on essayait de pas trop s'allumer la journée, mais c'était compliqué. Et voilà. Hein, non, franchement. Entre ping-pong et piscine. C'était assez sérieux quand même. Hein. Ouais, c'était sérieux, mais tu vois, on a enregistré dans de bonnes conditions. Tu vois, le projet, il s'est fait vraiment avec plaisir de A à Z, en fait. Tu vois, voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Très bien, très bien. Eh ben, merci pour cette réponse sincère et pleine de. Toujours. sinon, niveau clip, donc par rapport. Là, on parle bien que de virus. Ouais. Niveau clip, donc on a vu Benalla, Minuit, qui comptabilise déjà pas mal de vues. Ouais. Donc pour ceux qui veulent voir les clips, vous tapez Puriste sur YouTube, P-U-R-E-A-S-T, vous allez tomber sur les derniers clips. Qui réalise vos clips? Est-ce que vous avez d'autres projets de clips? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez d'autres projets de clips ou pas? Benalla, c'est le frérot Gras. Qui avait fait notre clip, paix à son âme. Voilà. Donc voilà, grosse pensée à son grand frère, encore une fois, Max, et toute sa famille. Donc voilà, donc, déjà forcément, ce clip, quand on le regarde, pour ceux qui arrivent encore à le regarder, c'est émouvant. Et puis voilà, puis après le second clip, Minuit, donc, qui a été fait par. Qui a été monté par S2, tourné par S2. Et son couteau équipe, suisse, écrit, tourné, et Bertrand, son équipe, voilà, donc Albert Zer. Et voilà, donc le clip, il a été fait deux week-ends, je crois. On a fait deux bonnes soirées. Ah ouais. Et voilà, ça, c'est le clip Minuit. Okay. Et pour le prochain, ce sera encore différent. On vous réserve encore des surprises. Je vous suis un peu hein, sur les réseaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui se tramaient. Mais... On travaille toujours. Hein. Et ben, si vous voulez voir les prochains clips, faut s'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Vous recevrez la petite notification qui dit ding ding. Active la cloche. Active la cloche. Question. C'est quand qu'on vous revoit sur scène? Ah, bah ça. Pour présenter Virus. On est vraiment en train de travailler sur ça, donc. Ouais. On travaille sur ça. On a très envie de revenir sur scène. Yes. Ça nous manque beaucoup. On a vraiment la dalle. Et surtout, on est heureux d'arriver sur scène avec un projet de groupe. Mmh. Parce qu'à chaque fois, c'était beaucoup de solos de chacun, avec un ou deux sons au milieu où on était tous ensemble. Et là, vraiment, on va pouvoir monter un show. Voilà, avec. On est les quatre sur les morceaux. Forcément, ça va être. Donc voilà, on bosse vraiment dessus, on est en train de travailler dessus. Ok, on est ouvert, on est ouvert à tout. Et là, ça va vraiment être la première fois où on va avoir un show véritablement construit de scène. Les fois d'avant, vraiment, en équipe, ouais. Les fois d'avant, pour dire la vérité, c'est arrivé que 10 minutes avant de monter sur scène, on se dise, vas-y, toi, tu fais ce couplet-là, lui, ce couplet-là. Mais dis pas des secrets. Ah si, je dévoile les secrets. C'est puriste, c'est freestyle. Ah mais c'était pas préparé, les salauds. Peut-être 7-10 minutes avant de témoin. Mais voilà, non, mais là, ça s'est peut-être vu des fois. Hein. Mais non. Et voilà, ça va être beaucoup plus taffé, beaucoup plus construit. Il y aura plus de contenu. Voilà, tu vois. On a toute la matière. On va continuer à se faire plaisir. On s'est fait plaisir jusque-là, on va continuer. Et puis surtout, ouais, dans l'album, on a fait. Je pense qu'en général, la plupart des sons qu'on a fait dans l'album, c'est des sons de scène. Genre, ils vont venir, ils vont tesso, ça va être. Voilà, c'est ça. Que ça va être un bon bordel. On a monté aussi l'album par rapport à ça. Juste dans une direction où on voulait pas tomber dans le queutru forcément, sur Bresson ou truc comme as. Tu vois ce que je veux dire? On voulait surtout aussi le virage qu'on a pris en plus des prods qu'on a choisi, il allait dans ce sens-là aussi. Ouais. Où là, tu vas venir voir Puri sur scène. Ouais, t'es pas à l'abri que le mec saute par-dessus toi, enfin des bails comme as, tu vois. Et c'est ça aussi qui a de nouveau, entre guillemets, on va dire, chez Puris tous réunis. Ok. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, petite pause musicale. Vas-y. J'ai parlé de Benalla, j'ai parlé de Minuit. Je balance les deux sons à la suite. Vas-y. Et après on enchaîne, tranquille. Je te voyais près du micro, t'avais un petit truc à rajouter ou... Non, même pas. Hein. Non. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton apparition dans Minuit. Je trouve que c'est une très bonne partie du clip. Très chouette. Donc pour ceux qui me cherchent dans Minuit, c'est lui qui arrive à me retrouver dans le clip Minuit. Ça va, il y a même un gros peut-être plan sur Roi et tout. Peut-être à minuit, on se retrouve devant la radio et puis vas-y, on discute de ce que je peux t'offrir. Voilà. Donc Benalla. Et Minuit à la suite, c'est Puris, c'est Virus, c'est sorti le 20 décembre, disponible bang. Sur toutes les plateformes, streaming, tout ce que tu veux, YouTube, en digital au fait, ça dit quoi là ça arrive, on reçoit les scuds le 20, Du coup c'est pas en digital. En physique, pardon. J'avais compris ce que tu voulais dire. La sortie digitale est faite depuis le 20 décembre, la logistique et là, on reçoit les scuds le 20 décembre. Donc voilà, la logistique est hasardeuse. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont précommandé l'album. Un gros big up à vous. On s'excuse pour le retard. Vous savez, la fin d'année, le début d'année était compliqué. Merci beaucoup à tous les gens qui ont précommandé l'album, à tous les gens qui ont donné de la force. Vous savez qui vous êtes. Gros big up à vous. Merci. Big up la poste. Si. Big up la poste. Yes, Benalla. Minuit, Puriste, je balance ça bang. On continue ça tranquillement. C'est la 25e, il est 22h54, on est là jusqu'à minuit, comme tous les jeudis. Yes. Radio la 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Je te jure, le jour J, on frappera encore plus fort jusqu'à ce que Toulouse brille. C'est peut-être mon dernier sel, j'en termine de tête. Je connais pas trop les règles alors lis ton papier. Dans mon écran